بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في السؤال 75. سئل الشيخ رحمه الله: يطلق بعض الرجال على أزواجهم أم المؤمنين، فيقول أحدهم مثلا: ذهبت بأم المؤمنين إلى أهلها، أو أعطيت لأم المؤمنين هدية وغير ذلك، فهل إطلاق مثل هذه اللفظة على زوجة صحيح؟ Donc il fait interroger l'auteur, rahimahullah ta'ala, par des gens, parmi les hommes, qui nomment leur femme, par exemple, la mère des croyants. Par exemple, l'un d'entre eux dit, j'ai été aujourd'hui avec la mère des croyants vers sa famille, ou j'ai donné à la mère des croyants un cadeau, et autres. Donc est-ce que cette nomination, avec les épouses, est authentique? Fa'ajaba rahimahullah, هذا القول حرام, فلا يحل لأحد أن يسمي زوجته أم المؤمنين لأن مقتضاه أن يكون هو نبيا لأن الذي يوصف بأمهات المؤمنين هن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فهل هو يريد أن يتبوأ مكان النبوة وأن يدعو نفسه بعض بالنبي. Donc il a dit cette parole est haram, cela est illicite. Il n'est permis à personne de nommer sa femme mère des croyants car cela impliquerait que lui soit un prophète, car les seuls qui sont décrites comme étant les mères des croyantes, sont les épouses du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, est-ce qu'il veut se permettre de prendre la place du prophète, sallallahu alayhi wassalam, et se nommer par la suite lui-même prophète? بَلْ الْوَاجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ أَنْ يَشْتَنِبْ وَيَتَجَنَّبْ مِثْلَ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ وَأَنْ يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ تَعَالَى مِمَّا جَرَى مِنْهُ. Donc, le devoir de la personne est de s'éloigner de ce genre de paroles, de ce genre de propos, qui demandent pardon à Allah azza wa jal de ce qu'il a prononcé et proféré. نعم. ثم في السؤال 76 سئل الشيخ رحمه الله تعالى: نسمع كثيرا ونكره هذه العبارة السيدة عائشة رضي الله عنها، فهل هذه العبارة سليمة؟ الله يحفظكم ويرعاكم. Donc il fut interrogé par des gens qui disent: nous entendons fréquemment, ou nous lisons souvent cette expression qui est la maîtresse Aïcha, As-Sayyida. As-Sayyida Aïcha. Donc est-ce que cette expression est correcte ou pas? Fa'ajaba rahimahullah. La shak anna Aïcha radiallahu anha min sayyidat nisa al-umma. Walakin itlaq As-Sayyida ala al-mar'a wa As-Sayyidat ala al-nisa hazi al-kalima mutalaqqatun fima adhannu min al-gharb. حيث يسمون كل امرأة سيدة وإن كانت من أوضاع النساء لأنهم يسودون النساء أي يجعلونهن سيدات مطلقة. Donc il a dit, il ne fait aucun doute que Aïcha, radi Allah anha, fait partie des maîtresses des femmes. Cependant, dire maîtresse à la femme ou les maîtresses, c'est-à-dire le pluriel pour les femmes, cela est une chose qui, je pense, vient de l'Occident, des coutumes de l'Occident. Car chez eux, toute femme est une maîtresse, comme un chef, quoi, en fait. Même s'il est parmi les personnes de plus bas rang. Donc ils ont fait de la femme une maîtresse et une leader. والحقيقة أن المرأة امرأة وأن الرجل رجل وتسمية المرأة بسيدة على الإطلاق ليس بصحيح. نعم من كانت منهن سيدة لشرفها أو دينها أو جاهها أو غير ذلك من الأمور المقصودة قلنا أن نسميها سيدة ولكن ليست مقتضى ذلك أننا نسمي كل امرأة سيدة. Donc il a dit la femme reste une femme et l'homme reste un homme, et le fait de nommer une femme par maîtresse ou cheftaine, on dit cheftaine dans l'absolu, cela n'est pas authentique. Maintenant, en effet, celle qui parmi elle a un rang de noblesse ou de bonne religion ou autre, ou en haut statut social, alors elle peut être nommée Sayyida. Cependant, ça ne veut pas dire que la femme de façon générale, dans son ensemble, est nommée comme étant une Sayyida, une maîtresse, une cheftaine, une leader, une meneuse, réel zalika. كما أن التعبير بسيدة عائشة والسيدة خديجة والسيدة فاطمة وما أشبه ذلك لم يكن معروفا عن السلف. بل كانوا يقولون أم المؤمنين عائشة أم المؤمنين خديجة وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. Il dit comme le fait justement de nommer Aïcha comme Sayyida, ou Khadija, ou Fatima, c'est une chose qui n'était pas connue chez les salafs. Mais il disait, mère des croyantes, Aïcha, la mère des croyants, Khadija, et Fatima, la fille du message d'Allah, alayhi salatu wassalam. Naam, hadha alladhi qalna al-yawm min hadhihi al-as'ila, wa alhamdulillahi rabbil alamin.